Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal et parler langue française. Et donc voici les principaux titres. Deux attaques ont été menées cette nuit dans deux endroits de la province de Bururi, faisant deux morts et un blessé. Nous y revenons dans ce journal. Et le ministre de l'Urbanisme s'indigne qu'il y a des dignitaires qui construisent leurs maisons dans des espaces protégés. Le ministre de l'Environnement promet la mise en place d'une loi qui réprime ce genre d'infraction. Et le président des comités des parents au lycée communal de Changuzo demande la libération de quatre élèves arrêtés à cette école pour avoir falsifié une photo du président de la République se trouvant dans les manuels scolaires. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, deux personnes parmi lesquelles le directeur du lycée Lutovu ont été tués, fusillés et une autre blessée. C'était au cours de deux attaques menées à Lutovu et à Mugamba en province de Bururi ce vendredi. Le gouverneur de Bururi, Christian Nkurunziza, confirme ce bilan tout en rejetant la responsabilité des forces de l'ordre dans l'attaque de Mugamba. Jean-Pierre Misago, correspondance. Selon des sources sur place à Mukara, sur la colline Choma, en commune Mugamba, un certain Sindei Kengera, connu sous le sobriquet de Maguru, a succombé à ses blessures suite à des balles lui tirées par des forces de l'ordre vers 17h10 de ce vendredi. Son ami avec qui il partageait de la bière du sorgho a été blessé et évacué à l'hôpital vers 23h10 alors qu'il rentrait chez lui. Frère Nimijimana Silver, directeur du lycée Lutovu, est tombé sur le coup d'une balle lui tirée par un inconnu à l'entrée de son domicile. Selon des sources sur place à Lutovu, ce directeur venait d'un cabaret d'à côté dans un rafraîchissement avec ses enseignants après une séance de deuxième délibération qui avait pris fin une heure plus tôt. L'auteur du meurtre de Lutovu n'a pas été identifié et ce sont les enquêtes qui le détermineront, selon Jean Daitoyeko, administrateur communal de Lutovu. S'agissant du cas de Mugamba, certains voisins des victimes interrogées disent que les forces de l'ordre avaient planifié le coup, arguant qu'elles ont tiré sur des gens paisibles et leur demande du professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission de maintien de la sécurité. Christian Nkurunziza, gouverneur de Bururi, dit le contraire. Selon lui, des balles perdues des forces de l'ordre à la poursuite d'un certain Janvier et de sa bande qui ferait partie des groupes armés et qui serait dans cette localité ont atteint les victimes. Le gouverneur de Bururi prévoit des réunions de sécurité pour ramener le calme dans cette commune. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Parlant toujours de la sécurité, la maison d'Anome Nyagatwa, assise au quartier vétérinaire de la commune et province Gitega, a été la cible d'une attaque d'un groupe de personnes non encore connues. C'était ce vendredi soir à 20h. Les dégâts ont été occasionnés par une grosse pierre qui a percé le toit de la maison ainsi que le plafond, tombant du coup au salon. Personne n'a été touché car tout le monde venait de quitter le salon. Correspondance signée Arthur Kavabushi. Comme le dit la femme de Nyagatwa, c'était vers 20h quand elle quittait le salon pour la salle à manger. Du coup, elle a entendu un grand bruit dans la maison. Elle est tombée, sachant que c'est une grenade. Elle indique que lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu une grosse pierre au salon qui a percé la toiture et le plafond. Le chef de famille a alors fait savoir qu'il a alerté la police. Les forces de l'ordre ont alors demandé au chef de famille de ne pas déplacer la pierre en question, ainsi que les morceaux du plafond, car ils allaient revenir le matin pour faire le constat. À notre arrivée ce matin, nous avons trouvé la scène telle que celui qui a été attaqué indique qu'il craint pour sa sécurité ainsi que pour celle de sa famille, et d'autant plus que c'est la deuxième fois en une année qu'il subit ce genre d'attaque. Il a fait savoir que la première fois, il a été attaqué par un groupe de personnes vers 3h du matin. Une grosse pierre a été lancée, perçant la toiture ainsi que le plafond pour tomber à côté de sa chambre. Et même un enfant a été blessé et est jusque-là paralysé. Il se dit étonné par le fait que ça vient de se passer à une heure où tout le monde est encore debout. Selon lui, c'est un signe qu'il y a des gens qui veulent le tuer. Il demande à la police de mener vite une enquête et d'arrêter ces malfaiteurs. La police fait savoir qu'elle est toujours à la trousse du premier groupe de malfaiteurs et du coup qu'elle a déjà commencé à chercher ceux qui ont commis le forfait de ce vendredi. Arthur Kavabushilitega, Radio Isanganiro. Merci à Kavabushi. Le code de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Burundi va bientôt être mis en vigueur pour sanctionner les auteurs des constructions anarchiques. Cela a été dit par le ministre de l'Environnement au cours de la présentation de ce projet de loi au Sénat. Emmanuel Nyonghuru s'indigne qu'il y a même des autorités qui enfreignent à la loi en construisant dans des espaces interdits. Suivez-le. Je savais auparavant que c'est à Kigobe où il y a des constructions anarchiques. Mais ce qui se passe à Wuyenzi, cher sénateur, est horrible. Une personne construit un étage sous un fil électrique et dort paisiblement. Un autre cas, un administratif qui bâtit dans la zone tampo de la rivière. J'étais avec le premier vice-président de la République, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Intérieur et le maire de la ville. Nous avons trouvé que le chef de la zone de Wuyenzi lui-même est en train de construire sa maison sur les bords de la rivière Nahangwa et les membres du conseil communal se sont appropriés les autres parcelles de la localité. Le code que nous allons mettre en place propose des sanctions avec des amendes pour ceux qui construisent de façon anarchique. J'aimerais vous demander, vous sénateurs, de nous aider à crier haut et fort. Le ministre de l'Environnement, Emmanuel Nyonghuru, était traduit par Didier Niyonzima. Aja Omar, l'ancien joueur du football à l'équipe nationale, est décédé vendredi en tant que convoyeur d'un véhicule de type Ben. Il a été emporté par un accident de roulage. Certains des habitants de Muyinga demandent au ministre ayant en charge le sport de songer à la valorisation de la carrière des joueurs burundais. Les détails avec Dieudonné Nzeyimana. La nouvelle aux lèvres de la quasi-totalité des résidents du chef-lieu de la province Muyinga est celle de la mort surprise du footballeur Ija Omar. Son décès a été annoncé vendredi. Ija est mort suite à un accident d'un véhicule Biben. Il travaillait comme convoyeur pour gagner sa vie, même s'il continuait à jouer au football dans l'équipe Unité FC. Amadi Azaïza, ancien footballeur, rend hommage à son disparu. Ija s'est donné pour le pays jusqu'à être sélectionné en équipe nationale Inhamba Murugamba. Et il a joué dans les équipes de Vitalo, Interstar et Olympic Star. Le chauffeur du véhicule dont l'accident a coûté la vie à Ija et un certain Tali, capitaine de l'équipe Olympic Star, évoluant aussi en première division. Pour bon nombre des habitants de Muyinga, avoir les conditions de vie précaires des sportifs, il est temps que le ministère ayant en charge le sport valorise ces talents dont le pays a tant besoin. Dieu de Nzeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. Quittons Muyinga pour aller à Changhuzo, le président du comité des parents au lycée communal. Changhuzo demande la libération de 4 élèves arrêtés à cette école pour avoir falsifié une photo du président de la République se trouvant dans les manuels scolaires. Ismaël Ilachandaguié estime que ces enfants peuvent être relaxés et en même temps la justice peut continuer son travail. On l'écoute. Dans un premier temps, l'enlèvement du premier élève a été en date du 14/6/2016 et l'enlèvement des 3 autres en date du 15. Ces enfants enlevés sont Havarugira Shalom, Lukundo Grâce Divine, Diranyura Cédric, Tinzobakwira Faustin et un autre élève évadé d'Ino Dondiho Kubwaye dont on ne sait pas le lieu où il se trouve. Est-ce que c'est de l'enlèvement ou bien c'est de l'arrestation? Je pense que c'est de l'arrestation, mais l'enlèvement ne manque pas puisqu'il y avait un honorable. Il y avait aussi les représentants de l'administration sans mandat d'arrêt. En date du 29/6/2016, à 16h du soir, aux chambres de conseil, il y avait le président du tribunal de grande instance, il y avait le juge Havalugira Thierry, il y avait Nanulier Oscar, et il y avait le procureur de la République, Sindaiga Léonard, et une greffière d'Ino de Havonimana, Ariette. Ce qui nous inquiète, est-ce que la chambre de conseil peut se tenir, peut se réunir à 16h, alors que dans sa chambre de conseil, qui se réunit à 16h ou à 18h, c'est pour question de flagrance, mais il n'y avait pas de flagrance pour dire que on a précipité le dossier puisque les jours avançaient. Un motif valable. Chaque fois, nous passons dans les deux cachons, le cachon de la police, du brigade de Changozo, le cachon du tribunal de grande instance. Nous demandons chaque fois avec insistance de libérer ces enfants. Nous sommes là pour suivre nos enfants étant libres et la justice pourra continuer les enquêtes. Et la Banque centrale de la République du Burundi appelle à la vigilance de la population qui utilise ses billets de banque parce que de faux billets circulent actuellement. Clément Boutolé de la BRB parle des symboles qui pourraient permettre aux usagers de ces billets de distinguer les faux des vrais. On l'écoute. Pour différencier les vrais billets des faux, il y a la technique qu'on désigne communément sous le terme tri. C'est pour regarder, toucher, incliner. Le premier geste, dès le premier contact avec un billet, c'est de toucher là où il y a les parties rugueuses du billet. Et c'est généralement là où il s'est inscrit Banque de la République du Burundi, ou Banque de la République du Burundi en Kirundi, là où il y a les motifs principaux du billet. Pour le billet de 5 000, c'est les tambourinaires. Et troisièmement, c'est là où il y a les sécurités qui changent de couleur. Vous verrez ça dans la partie gauche du billet. C'est là où il faut regarder, toucher d'abord pour sentir la rugosité du billet. Mais pour un billet imité, vous allez sentir que c'est une feuille plate, lisse, aucune rugosité. Alors la deuxième chose qu'on doit faire, c'est de regarder spécialement sur le fil. Il y a des éléments qui sont visibles sur le fil qu'ils ne peuvent pas imiter. Et la dernière chose à faire, c'est de regarder les sécurités qui changent de couleur ou qui donnent l'impression de mouvement. Et les sécurités se trouvent côté gauche. C'est élément que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.